Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Salut tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 27 juin. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que Frédéric Paquette de Dolbeau-Mistassini a célébré cette année sa 10e participation au défi Pierre Lavoie. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on lui a parlé. On a parlé de sa motivation et également des changements qui ont eu lieu au fil des années. Ben, je te dirais que c'est encore en réflexion pour l'année prochaine. Il était dit qu'à partir de 10 ans, là, j'allais y aller une à la fois. Puis là, pour l'année prochaine, on ne sait pas encore. On doit se regrouper aussi notre équipe pour voir qu'est-ce qu'on fait. OK. Fait que, la décision va se rendre, je dirais peut-être plus après l'été à l'automne. Et dans le deuxième temps, ben, Frédéric Paquette nous parlait de ses meilleurs souvenirs. Meilleur souvenir, je dirais qu'il y en a plusieurs, mais c'est de côtoyer tous ces gens-là qui font, qui sont là pour la même cause, puis qui s'entraînent. Quand on arrive dans le peloton, là c'est de voir comment tout le monde est égal. Là. T'as beau être, oui, il y a des personnalités, il y a des médecins, il y a des joueurs de hockey, et tout le monde est égal dans le peloton. C'est ça là, qu'on peut retenir. Hein. Okay. Tous les gens sont là pour la même cause. Okay. On va parler de soccer maintenant avec les matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, victoire dans la catégorie U12 masculin de l'Union de... plutôt défaite de l'Union de Roberval 3-1 contre l'FC de Jean Dumas. Et également, dans la U16 masculin, l'Union de Roberval a défait l'FC de Saint-Félicien 4-2. Et Ligue de baseball élite du Québec, les Voyageurs de Ville-Saguenay tiraient derrière 10-0. Et ils l'ont emporté 12-11 contre les Alouettes de Charlebourg hier au stade Richard Desmeules. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Frédéric Paquette qui a participé à son 10e défi Pierre Lavoie qui a eu lieu cette année dans le coin du Québec. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, s'il vous plaît.